Amis humains, bonjour. Dans notre série Histoire de la robotique, un sujet très hot. Faire l'amour avec des robots pourrait augmenter l'espérance de vie selon des futurologues du mouvement transhumaniste. Science-fiction, seriez-vous prêt à faire l'amour avec un robot pour vivre plus longtemps? A priori non, mais c'est pourtant bien le conseil que vous donneraient certains futurologues américains appartenant au courant transhumaniste, un mouvement pour lequel l'avenir de l'homme réside dans son association future avec le robot. Un article du site web Transhumanity, daté du 7 novembre, soutient que faire l'amour avec un sexbot, des robots spécialement conçus pour avoir des rapports sexuels avec des humains, augmenterait l'ampleur de vos orgasmes et contribuerait à accroître votre espérance de vie. Le site Transhumanity précise que les sexbots seront plus désirables, patients, altruistes et compréhensifs que quiconque avec leur partenaire. Leur programme contiendra toutes les caractéristiques que nous ont apportées la littérature érotique depuis la nuit des temps, indique le site. Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Selon les exemples cités dans l'article, ces robots seront dotés d'une quadruple langue pour les cunnilingus, d'une bouche beaucoup plus soyeuse pour les fellations de masse et le point G avec la plus grande dextérité, avec plus de 2000 rythmes réglables pour le coït et des lubrifiants parfumés, vers la fin de l'amour. C'est vrai, plusieurs études ont montré que le sexe a des bienfaits sur la santé et l'espérance de vie. Des rapports sexuels réguliers permettraient de freiner l'apparition de nombreuses maladies, telles que les maladies cardiovasculaires, mais aussi de réduire le risque de cancer de la prostate chez les hommes ainsi que celui de cancer du sein chez la femme. Avoir des orgasmes contribuerait de la même manière à réduire stress, insomnie, migraine et, ce qui semble aller de soi, la dépression. Mais si l'on considère que ces robots sont plus doués que les êtres humains en termes de sexe, cela ne nous dit pas s'il y a une corrélation directe entre l'intensité de l'orgasme et l'espérance de vie. Cela ne nous dit pas non plus si c'est bien la fréquence des rapports sexuels qui est le secret d'une meilleure longévité. Ce qui est certain, c'est que ces robots ne vous feront jamais le coup de la panne, de la migraine ou plus simplement des vous savez quoi une fois par mois. À augmenter son espérance de vie est-il un argument suffisant pour avoir des relations sexuelles avec des machines dépourvues de sentiments? Pour les futurologues du site Transhumanity, qu'importe. Selon eux, ces robots seront bientôt capables de procurer plus de plaisir que n'importe quel être humain. Exit donc, les relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Terminer l'amour. Place au sexe robotique et fonctionnel comme pour mieux dire adieu, à la vie à deux. S'il nous faudra attendre encore quelques années avant d'augmenter notre espérance de vie par des orgasmes d'une intensité extrême, des chercheurs de l'université de Victoria, en Australie, prévoient quant à eux, que l'apparition des robots prostituées devrait avoir lieu d'ici les années 2050. Le plus vieux métier du monde finira-t-il par disparaître? Fin de l'article L'amour avec des robots. À bientôt. Grosse bise numérique. Ha ha ha ha ha!